Bonjour à toutes et à tous. À l'automne s'ouvrira sur ce carnet une nouvelle saison du cours sur l'économie, du document et du web. Cette nouvelle version du cours innovera à plus d'un titre. Tout d'abord, le cours a élargi ses partenaires puisque l'ENSIB et Benoît Éperon, avec le master publication numérique, rejoignent le consortium initialement formé du Master en architecture de l'information de l'ENS de Lyon et de la maîtrise en sciences de l'information de l'EPSI de l'Université de Montréal. Nous aurons ainsi encore élargi notre base d'étudiants transatlantiques. Ensuite, suivant la jeune tradition des MOOC, le cours permettra une inscription d'apprenants issus de l'ensemble de la francophonie qui pourront aussi, s'ils le souhaitent et s'ils s'en donnent les moyens bien sûr, obtenir une certification. L'innovation viendra aussi d'un approfondissement de la thématique du cours en direction de l'économie du web qui fera l'objet d'un certain nombre de webinaires en ligne. Enfin, si nous allons bien sûr garder les outils et les méthodes qui ont fait leurs preuves dans les versions précédentes du cours, nous allons là aussi innover, notamment grâce à un outil que nous sommes en train de développer, une sorte de cahier pour la capitalisation du cours par les apprenants. Nous sommes encore à 2 mois de l'ouverture du cours et tout n'est pas finalisé. Il nous reste encore tout l'été pour fignoler, mais vous trouverez déjà ci-dessous des éléments dans le plan de cours qui ne doit pas être considéré comme un programme définitif, mais qui donne déjà une bonne idée de l'ensemble de son contenu. Vous disposez ainsi largement des éléments pour savoir si vous serez intéressé. Et si c'est le cas, je vous dis à bientôt, ou plutôt à cet automne. Et pour tous, je vous souhaite un bon été.